Chapitre 4. La plus-value relative. La force de travail produisant une valeur plus grande que le prix qu'elle coûte, le salaire, c'est-à-dire une plus-value, a engendré le capital. Elle a procuré ensuite au capital une nourriture suffisante pour son premier âge, la plus-value ayant été augmentée au moyen de la prolongation de la journée de travail. Mais le capital croît, et la plus-value doit augmenter encore pour satisfaire à ses besoins accrus. Et comme nous l'avons vu, augmentation de la plus-value ne veut pas dire autre chose que prolongation nouvelle de la journée de travail. Cette journée, toutefois, bien qu'elle soit d'une longueur fort élastique, trouve à la fin sa limite nécessaire. Quelque minime, en effet, que soit le temps laissé par le capitaliste à l'ouvrier pour la satisfaction de ses plus indispensables besoins, la journée de travail sera toujours inférieure à 24 heures. La journée de travail rencontre donc une limite naturelle, et l'accroissement de la plus-value, par conséquent, un obstacle insurmontable. Représentons une journée de travail par la ligne AB. Schéma. A, grand trait D, petit trait C, plus grand trait B. La lettre A indiquera le commencement, la lettre B la fin, c'est-à-dire ce terme naturel au-delà duquel il n'est pas possible d'aller. Soit AC la partie de la journée pendant laquelle l'ouvrier produit la valeur équivalente au salaire reçu, et CB la partie de la journée pendant laquelle il produit la plus-value. Nous avons vu que notre fileur de coton, recevant 3 francs de salaire, reproduit dans une moitié de la journée la valeur de son salaire, et dans l'autre moitié produit 3 francs de plus-value. Le travail AC, par lequel on reproduit la valeur du salaire, est dit « travail nécessaire », tandis que le travail CB, qui produit la plus-value, s'appelle le surtravail. Le capital est altéré de surtravail, parce que c'est le surtravail qui engendre la plus-value. Le surtravail prolongé prolonge la journée de travail. Et celle-ci finit par rencontrer sa limite naturelle, B, qui présente un obstacle insurmontable au surtravail et à la plus-value. Que faire alors? Le capitaliste a vite trouvé le remède. Il observe que le surtravail a deux limites. L'une B, terme de la journée de travail, l'autre C, terme du travail nécessaire. Or, si la limite B est immuable, il n'en est pas ainsi de la limite C. Si on réussit à transporter la limite C au point D, on aura accru le surtravail CB de la longueur DC, et en même temps diminuer d'autant le travail nécessaire AC. La plus-value aura trouvé ainsi le moyen de continuer à croître, non plus de façon absolue comme précédemment, c'est-à-dire en prolongeant toujours davantage la longueur de la journée de travail, mais en accroissant le surtravail par une diminution correspondante de travail nécessaire. La première étant la plus-value absolue, la seconde est la plus-value relative. La plus-value relative se fonde sur la diminution du travail nécessaire. La diminution du travail nécessaire se fonde sur la diminution du salaire. La diminution du salaire se fonde sur la diminution du prix des choses nécessaires à l'ouvrier. Donc la plus-value relative est fondée sur l'abaissement de la valeur des marchandises dont l'ouvrier a besoin. Il y aurait un moyen plus expéditif de produire la plus-value relative, dirait quelqu'un. Ce serait de payer au travailleur un salaire inférieur à celui qui lui revient, c'est-à-dire de ne pas lui payer le juste prix de sa marchandise, la force de travail. Cet expédient, qui est très souvent employé dans la pratique, ne peut être pris en considération par nous parce que nous n'admettons que la plus parfaite observation de la loi des échanges selon laquelle toutes les marchandises, et par conséquent aussi la force de travail, doivent être vendues et achetées à leur juste valeur. Notre capitaliste, comme nous l'avons déjà vu, est un bourgeois absolument honnête. Il n'usera jamais, pour grossir son capital, d'un moyen qui ne serait pas entièrement digne de lui. Supposons qu'en une journée de travail, un ouvrier produise 6 articles d'une marchandise que le capitaliste vend pour le prix de 7 francs 50. Parce que, dans la valeur de cette marchandise, la matière première et les moyens de travail entrent pour 1 franc 50 et la force de travail de 12 heures pour 6 francs. Les trois éléments réunis formant la somme de 7 francs 50. Le capitaliste trouve sur la valeur de 7 francs 50 qu'à sa marchandise une plus-value de 3 francs et sur chaque article une plus-value de 50 centimes. Parce que le salaire de l'ouvrier étant de 3 francs, et la dépense en matière première et en moyen de travail de 1 franc 50, pour chaque article il a dépensé 75 centimes, et que de chacun d'eux il retire 1 franc 25. Supposons qu'avec un nouveau système de travail, ou seulement avec un perfectionnement de l'ancien, le capitaliste arrive à doubler la production, et qu'au lieu de 6 articles par jour, il réussisse à en obtenir 12. Si dans 6 articles la matière première et les moyens de travail entraient pour 1 franc 50, ils entreront pour 3 francs dans 12 articles, c'est-à-dire toujours pour 25 centimes dans chaque article. Ces 3 francs joints aux 3 francs que le capitaliste paie à l'ouvrier pour l'usage de sa force de travail pendant 12 heures font 6 francs, qui représentent le prix de revient des 12 articles. Chacun d'eux lui coûte, par conséquent, 50 centimes, auquel s'ajoute le 12e de la plus-value, c'est-à-dire 3 francs, soit 25 centimes. Chaque article a donc une valeur de 75 centimes. Le capitaliste a maintenant besoin d'obtenir un débit plus grand sur le marché pour vendre une quantité double de sa marchandise, et il y réussit en diminuant quelque peu le prix de celle-ci. En d'autres termes, le capitaliste a besoin de faire naître une raison pour que ses articles se vendent au marché en quantité double, et cette raison, il la fournit à l'acheteur par une baisse prix. Il vendra donc ses articles à un prix un peu inférieur à 1,25 franc, qui était le prix antérieur, mais supérieur à 75 centimes, qui est le prix de ceux qu'ils valent aujourd'hui. Il les vendra, par exemple, 1 franc pièce, et il aura ainsi assuré le doublement du débit de ses articles, sur lesquels il gagne aujourd'hui 6 francs, 3 francs de plus-value, et 3 francs qui représentent la différence multipliée par 12 entre la valeur de chaque article, 75 centimes, et son prix de vente, 1 franc. Comme on le voit, le capitaliste a tiré un grand avantage de cette augmentation de la production. Tous les capitalistes sont donc grandement intéressés à accroître les produits de leur industrie. Et c'est ce qu'ils réussissent à faire chaque jour dans n'importe quel genre de production. Mais leur gain extraordinaire, celui qui représente la différence entre la valeur de la marchandise et le prix auquel elle se vend, dure peu. Parce que bientôt, le système nouveau ou perfectionné de production est adopté par tous, par nécessité. Le résultat est alors que le prix de vente de la marchandise est ramené à la valeur réelle de celle-ci. Autrefois, cette valeur était de 1,25 franc. Et l'article se vendait à 1,25 franc. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 75 centimes et l'article se vend non plus 1 franc, mais 75 centimes. Mais le capitaliste, s'il n'a plus le gain provenant de la différence entre la valeur de la marchandise et le prix de vente, conserve toujours l'intégralité de la plus-value. Celle-ci est répartie sur 12 articles au lieu de l'être sur 6 seulement. Mais comme les 12 articles sont produits dans le même temps que l'étaient les 6, c'est-à-dire en 12 heures de travail, la plus-value est restée la même. Et on a, comme dernier résultat, toujours 3 francs de plus-value sur une journée de 12 heures, mais avec une production doublée. Quand cette augmentation de la production porte sur les marchandises nécessaires aux travailleurs, elle a pour résultat l'abaissement du prix de la force de travail, et par suite la diminution du travail nécessaire et l'augmentation du surtravail qui produit la plus-value relative.